Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, les esclaves. Même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. Du muet au lix, une révolte en ligne pointillée. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus. Elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile. Et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux. Dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Tuez les Romains ! Tuez les tous ! On a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. Éric Tessier, voilà quelques jours maintenant que l'on est plongé dans cette Rome, dans ses gladiateurs, dans ses esclaves. Et s'il y a bien un personnage qui est un peu à l'articulation de tout cela, c'est Spartacus. Avant qu'on en vienne à proprement parler, à évoquer cette incroyable histoire, parce que c'est quand même une histoire qui n'est pas banale. D'ailleurs, et c'est ce qu'on rappelait au tout début, enfin on redonne les chiffres, c'est quand même impressionnant. 15 tragédies, 12 bandes dessinées, 11 films, 8 romans, sans compter les récupérations politico-footballistiques, voilà, les séries. Mais bon, Spartacus, est-ce qu'on peut peut-être déjà prendre le crayon ou peut-être le marteau et le burin et puis esquisser la statue, à quoi ressemble le personnage? Est-ce que les sources sont d'accord entre elles et ou si tel n'est pas le cas, à quoi ressemble-t-il sous différents auteurs? Alors on n'a pas un portrait robot de Spartacus, on a des informations qui diffèrent d'un auteur à l'autre, mais qui en même temps ne sont pas contradictoires. Alors comment on peut essayer de résumer tout ça? Bon, il y a des choses qui sont sûres, il est thrace, c'est-à-dire il vient à peu près de la Bulgarie actuelle. C'est une région à cette époque-là qui est connue par le caractère extrêmement sauvage de ses guerriers. Rome et les Macédoniens avant eux ont beaucoup de mal à les tordre. Donc c'est une zone de conflit à ce moment-là, donc logique qu'il y ait des esclaves qui viennent de là. Son âge, on ne l'a pas, mais on peut, je dirais, le subodorer. C'est-à-dire qu'il a... Il a une capacité de commandement. Il sait commander. Il sait monter à cheval. Donc ça note plutôt une origine aristocratique. Et il n'est pas trop vieux parce qu'on en fait un gladiateur. Donc c'est-à-dire 20 ans, ça serait trop jeune. 30 ans, ça serait maximum. Je le mettrais entre 25 et 30 ans. On peut le situer là-dessus. Certainement une carrure assez athlétique, mais qui n'est pas étonnante, je dirais, dans les guerriers de l'époque. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On nous dit, alors certains nous disent, c'est un auxiliaire de l'armée romaine. D'autres, c'est un déserteur. D'autres, c'est un brigand. Les trois peuvent marcher ensemble. Auxiliaire de l'armée romaine, les Romains font ça partout. Partout où ils sont en train de conquérir un territoire, ils ont toujours des gens de leur côté. On appellerait ça aujourd'hui des collaborateurs. Mais bon, c'est des zones qui ne sont pas structurées en état, en patrie. Il n'y a pas là, ces notions de nation, telles qu'on pourrait les avoir au XIXe siècle. Donc, collaborateur, ça ne veut rien dire. Donc, il y a des gens qui vont de leur côté, souvent pour des raisons monétaires. Donc, Spartacus a très bien pu être un auxiliaire de l'armée romaine, ce qui laisserait comprendre qu'il la connaît bien, l'armée romaine. Et il connaît ses faiblesses, il sait la combattre, il sait la vaincre. C'est exactement le même profil que Vercingétorix, qui a été dans l'armée romaine avant de l'affronter. Autre point, on dit c'est un déserteur. Oui, il a pu à un moment donné partir de cette unité d'auxiliaire, et quand on est déserteur, qu'est-ce qu'on fait? On devient brigand. Bon. Et ce brigand donc a été arrêté, il a été capturé par les Romains. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, ben, le gars doit quand même avoir une certaine valeur marchande, parce que sinon on l'aurait tué immédiatement. Et donc on l'envoie avec un lot de traces, il n'est pas tout seul. Il y a même sa femme avec lui. Sa femme, elle est intéressante parce qu'on nous dit qu'elle est prophétesse. C'est une prophétesse de Dionysos, elle a des visions, elle a des rêves qui lui permettent de dire que Spartacus va avoir un destin extraordinaire. C'est pas du tout étonnant pour l'époque. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus, elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile, et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux, avec des chefs charismatiques qui se donnaient aussi une aura de prophète. Donc on sait ça, et c'est à peu près tout, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour résumer, quelqu'un qui est un combattant, quelqu'un qui est plutôt, je verrais plutôt un aristocrate, alors peut-être pas un prince, mais Spartacus, c'est un nom finalement qui est porté par des fois des rois de ce territoire-là, de Thrace. Ça peut être aussi un nom qu'on lui a donné en tant que gladiateur. Ça peut être un nom de guerre qu'on a lui donné. Donc, il faut pas trop s'appuyer là-dessus. Mais il sait monter à cheval, il sait commander, il sait où il va, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il a une vision quand même un peu géographique des choses. Pour moi, c'est un aristocrate, c'est quelqu'un qui a une éducation et qui est un meneur d'hommes et qui va entraîner des hommes derrière lui. Donc, il se retrouve esclave, il se retrouve gladiateur sans l'avoir vraiment choisi. Et à un moment donné, il dit non, moi je veux, c'est pas mourir qui lui fait peur, parce que c'est un guerrier, c'est un combattant, mais mourir à moitié nu pour le plaisir d'une foule de Romains qui sont en train de boire un coup et de bien rigoler de ce qui se passe sur l'arène, ça c'est pas vraiment une mort qu'il envisage. Et donc il dit, bah, quitte à mourir, autant se révolter, autant essayer de partir, de fuir et d'aller, bah, on verra bien où. J'ai fait ça parce que c'est juste. Le sang appelle le sang. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Je veux que cela cesse enfin. Je refuse que l'on mette à mort un de mes frères pour le simple plaisir des spectateurs. Je refuse de voir un autre cœur arraché à une poitrine, un souffle coupé à jamais, sans aucune raison. Je sais que vous ne vouliez pas tous en arriver là. Mais c'est fait. Oui, c'est fait. Votre vie vous appartient. Tracez votre propre voie. Ou joignez-vous à nous. Et tous ensemble, nous ferons trembler Rome. Éric Tessier, on en est à cet incroyable réflexe d'un homme qui se révolte, parce qu'on a beau dire, même dans le monde contemporain, on voit bien à quel point, quand on croise quiconque dans les couloirs de n'importe quel endroit, la révolte, sans doute beaucoup y songe, mais peu l'entame. En ce temps-là, qui est un temps des hiérarchies extrêmement verticales, cette chose ne peut être que d'autant plus forte et plus accentuée. Mais vous nous avez déjà prévenu, la révolte qu'il va mener, ce n'est pas la toute première des révoltes dans l'histoire de l'humanité, particulièrement dans l'histoire de cette antiquité-là. Peut-être en quelques mots nous rappeler les précédents. Et puis nous amener sur cette année 73... Y a-t-il quelque chose qui met le feu aux poudres? Y a-t-il l'allumette qu'il fallait pas? Et comment, par derrière, ce qui n'était finalement que feu de brindille va se propager et va s'étendre numériquement et géographiquement de manière absolument stupéfiante? Alors, les antécédents, il y en a deux. C'est à tous les deux, là, on est dans le début, on va dire, plus ou moins du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a eu deux autres grandes révoltes qu'on a qualifiées de guerres serviles à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire grosso modo 50 ans plus tôt. Toutes les deux ont eu lieu en Sicile, donc dans un monde clos, dans une île. Toutes les deux ont concerné des esclaves ruraux qui avaient une homogénéité ethnique. On verra que c'est important par rapport à la révolte de Spartacus, qui n'aura pas cet avantage-là. C'est des esclaves, on va dire, orientaux. On dirait des Syriens aujourd'hui. En tout cas, ils viennent du monde hellénistique. C'est le fruit, justement, de la conquête de cet Orient par les Romains à cette époque-là. Et donc, à deux reprises, ces esclaves, qui sont très nombreux, par milliers, sur des grandes latifundia de Sicile, vont se révolter, vont tuer leur maître, et vont faire une sorte d'anti-royaume, avec à leur tête des rois, qui vont se proclamer donc rois, qui prennent d'ailleurs des noms de rois traditionnels de la Syrie, des dynasties, donc des royautés hellénistiques. Et à deux reprises, les Romains, avec quelques difficultés, vont écraser militairement ces deux révoltes. Alors 73, le feu aux poudres, l'allumette, c'est quoi? C'est souvent le fait du hasard de l'histoire, quoi. On est à Capoue, on est dans une grande ville du sud de l'Italie, en Campanie, la région la plus riche de l'Italie, peut-être du monde antique à cette époque-là, autour du Vésuve. On verra que ça va avoir une importance. À Capoue, il y a un laniste qui a acheté, il s'appelle Batiatus, il a acheté ce lot de gladiateurs trans à Rome, il va en faire des gladiateurs dans son école. Et puis, ces gladiateurs se révoltent. Pourquoi ? Moi, j'ai ma petite idée. Et les sources ne le disent pas. Mais les sources nous disent quelque chose qui est assez étonnant. On peut dire c'est pas possible, c'est un truc de cinéma. Spartacus et 70 ou 80 gladiateurs, il y a à chaque fois un chiffre différent, mais c'est toujours dans cette même fourchette, bon, se liquident leurs gardiens avec ce qu'ils ont sous la main. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armes sous la main. Pas fou, on ne va pas les laisser avec des armes tranchantes. Ils ont des bouts de bois qui leur servent à l'entraînement. Ils prennent des broches, c'est un rôtisseur, et avec ça, donc ils liquident leurs gardiens qui, eux, sont armés, prennent les armes des gardiens, et hop, s'en vont à travers les rues de Capoue et s'en vont donc dans la campagne. Et ils tombent. On va dire, c'est pas possible, sur un chariot, et que transporte ce chariot ? Des armes de gladiateurs. Ah, extraordinaire. Mais moi, je pense que c'est vrai. Pourquoi ? Ben, parce que, justement, chacune de ces cités de la Campanie ont leurs écoles de gladiateurs. Les endroits où on commence d'ailleurs à inventer l'amphithéâtre à cette époque-là. On commence à faire les premiers amphithéâtres en dur juste à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une sorte... pas un championnat de foot, mais ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire les combats de gladiateurs tous le même jour en même temps. Et les armes de gladiateurs, ce qu'on sait d'elles, c'est qu'elles sont très belles. C'est des armes très riches, très très raffinées. On dirait oh, c'est des armes de parano. Non. Moi, je les ai étudiées à Pompéi, elles sont un peu plus tardives, mais c'est des armes à la fois très belles, mais qui sont faites pour le combat et qui en gardent encore les traces. Et donc, moi, je dis, comme les gladiateurs étaient là, mais avec des armes de bois pour s'entraîner, les vraies armes, on les apporte seulement quand on en a besoin. Quand on en a besoin, parce qu'il va y avoir le lendemain un grand combat où là, le sang va couler. Et donc Spartacus va dire, bon, bah, écoutez les gars, de toute façon, demain, il y a quelques-uns qui ne seront pas au repas du soir. Tentons le coup, tentons de s'en aller, de s'enfuir, et il tombe sur ses armes. Donc finalement, moi je pense que là, c'est ce qui pourrait être un fait d'un scénariste qui a eu cette idée-là, moi je pense que c'est la réalité, parce qu'il y a une logique à ça. Une logique à la fois par l'organisation des spectacles et par la révolte à ce moment-là de Spartacus. Donc l'allumette, finalement, c'est un peu un truc un peu par hasard. Après, il y a un deuxième élément intéressant dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous êtes à Capoue, sortez de Capoue, ils sont en pleine nuit, bon, ils voient le jour qui se lève. Qu'est-ce qu'ils voient dans les yeux ? Ben, un truc qu'ils ne peuvent pas louper, c'est le Vésuve. Une immense montagne, on ne sait pas encore que c'est un volcan, parce que ça n'a pas encore explosé, ça sera dans 150 ans, et qui est au milieu d'une plaine extrêmement riche, évidemment, une plaine volcanique. Et il dit, bon ben, on va monter là-dessus, hein. Je lui dis, on sera tranquille, il n'ira pas nous chercher, il y a quand même un sentier pour y aller, on va être tranquille, on va faire nos petits rasiers, on va attaquer une ferme de temps en temps, et on sera une bande de brigands de plus. L'histoire, au début, elle commence comme ça, elle aurait pu s'arrêter là. Mais il se trouve que c'est le Vésuve, et autour du Vésuve, il y a peut-être des dizaines de milliers d'esclaves qui triment dans les champs de vigne, les champs d'oliviers, les champs de blé, mais surtout la vigne. On est dans une agriculture très capitaliste, finalement, capitalistique, qui produit pour exporter. Et les gens se disent, il y a des gens qui se sont révoltés, il y a des gladiateurs, puis ils ont attaqué tel fer, tu as entendu, il y a les maîtres qui en parlent, il y a les intendants qui sont pas très, qui sont pas tranquilles, et puis ces esclaves vont se révolter. Et ils vont chercher Spartacus. C'est pas Spartacus qui dit ah, je suis le libérateur, c'est moi qui vais vous libérer. C'est les esclaves qui vont le rejoindre. Et ça pose un problème à Spartacus. C'est contrairement au mythe, il est plus embarrassé qu'autre chose de cette masse qui vient le rejoindre. Et il s'est dit d'ailleurs dans les sources, des fois il dit non, c'est bon, j'en ai assez, rentrez chez vous. Et il devient finalement un leader un peu par hasard, un peu par malgré lui. Pourquoi ? Ben, parce que les gens qui sont dans ces domaines, ils se sont libérés. Ils ont parfois tué leurs intendants, peut-être même leurs maîtres. Ils ont un peu rasié ce qu'il y avait dans la maison, puis ils sont partis sur le Vésuve. Qu'est-ce qu'on fait ? On les renvoie. Ils sont sûrs d'être crucifiés. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ben, ça fait boule de neige, et puis Rome se dit, bon, ça va bien, quoi. Mais c'est quoi ce truc ? Il y a des brigands, bon, ça va, il y en a partout. Pas grave. Mais des esclaves qui commencent à se révolter contre leur maître, c'est souvent les propriétaires, ce sont des sénateurs de Rome. Ils disent, attendez, il faut faire quelque chose maintenant. Et là, c'est l'autre élément qui va faire le succès de Spartacus. Et là aussi, il a beaucoup de chance. On est en 73. Et l'armée romaine, elle est occupée ailleurs. Il y a deux énormes armées romaines, enfin deux grandes armées romaines, avec des grands donc chefs. Il y a d'un côté une armée en Espagne, qui combat contre les derniers survivants, on va dire, du clan Populares, commandé par Sertorius. En face, il y a Pompée le Grand. Et de l'autre côté, on a une autre armée qui combat un roi hellénistique, Mithridate, qui est, grosso modo, c'est le nord de la Turquie actuelle. Donc, ils sont extrêmement écartés. Et en Italie, il n'y a plus rien. Pourquoi on craint rien? En Italie, il n'y a pas de barbares aux portes. Alors, bien sûr, on peut lever des troupes. Lever, légérer, ça veut dire légion. Le légionnaire, c'est un citoyen qui a été levé. Mais on ne fabrique pas un légionnaire comme ça en claquant des doigts. Et puis, on n'a pas forcément les chefs pour les. Il n'y a pas une école militaire à l'époque. On est chef parce qu'on est aristocrate, parce qu'on a un niveau dans la hiérarchie. Ça ne fait pas de soi un Pompée ou un César. Et donc, on va envoyer un premier, probablement un prêteur, et qui n'a pas beaucoup d'expérience militaire. On lui donne 3000 hommes, c'est la moitié d'une légion. On dit, ça devrait bien suffire pour des barbares, des esclaves. Mais ces esclaves, ils sont en partie gladiateurs, donc c'est des pros du combat. Et ils sont commandés par Spartacus. Et Spartacus va faire un truc. Il y a des vignes sauvages qui courent sur le Vésuve. Il va faire des tresses de ces vignes, de ces lianes. Ils vont faire des câbles pour descendre sur les précipices qui sont pas du tout surveillés par les Romains. Les Romains ont fait une énorme erreur militaire, technique. Les Romains, quand ils font un camp, ils font un camp. C'est-à-dire, il y a un camp sur les quatre côtés. Là, Claudius, il s'appelle. Il dit, mais bon, peu importe, il n'y a qu'un sentier, je vais barrer le sentier en bas, puis j'attendrai qu'ils meurent de soif là-haut, ils viendront me demander grâce, quoi. Donc, il n'a pas fait un camp. Et donc, les gladiateurs de Spartacus peuvent rentrer dans le campement romain, mais qui n'est pas défendu par des palissades. Donc, il faut imaginer la scène. 80 gladiateurs, qui n'ont rien à perdre, qui sont des pros de la mort rapide, qui rentrent dans les tentes, de jeunes légionnaires qui n'ont pas du tout d'expérience. On zigouille tout ça, ça se met à crier, ça part dans tous les sens, et c'est le massacre. Et c'est surtout la première victoire de Spartacus, et il y en aura bien d'autres après. Tuez les Romains! Tuez les tous! Dans ce qui va amener Spartacus à conquérir, on peut le dire, une partie du sud de l'Italie, il y a un sentiment qui est important, qui est à rajouter en quelque sorte à la connaissance technique de l'acte de tuer, qui est la revanche, peut-être même la haine. C'est un paramètre que vous indiquez, Éric Tessier. Ouvrons maintenant ce chapitre qui est la conquête, et puis, malheureusement, pour Spartacus et ses hommes, le final, qui est quand même un final pas très rigolo, mais essayons de procéder peut-être par étapes pour raconter malheureusement très rapidement cette histoire. Bien, l'histoire à grands traits, parce que bon, c'est finalement on connaît assez relativement bien. J'ai réussi un peu, je pense, à reconstituer l'itinéraire. Je suis intéressé aussi beaucoup aux lieux, quoi, par où il est passé, pour comprendre ces lieux, la nature de ces affrontements. Ben, en gros, c'est une course poursuite. Rome va lui envoyer des armées, il va les battre. Il avance. Il n'a pas un plan de vol très déterminé. Malheureusement, il n'a pas le GPS. Hein. On dit, il veut retourner chez lui, mais où chez lui? Il faut traverser des territoires qui vont pas accueillir des esclaves en fuite. Donc, c'est un peu éperdu comme démarche. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, c'est là où je parle entre le mythe et l'histoire. Le mythe en fait un héros lumineux, quoi. Bon, on a tous en tête le Kirk Douglas de Kubrick, qui est une sorte de Moïse, quoi, qui conduit un peuple vers une hypothétique terre promise avec des femmes, des enfants, des vieillards. Il n'y a rien de tout ça dans la réalité. C'est que des hommes, quelques femmes. Il y a une seule fois on parle de deux femmes qui sont deux prêtresses. Le reste, c'est des hommes. Ils marchent vite. Ils savent pas où, mais ils vont vite. Et ils pillent tout ce qu'ils ont sous la main, ils font des prisonniers pour probablement les revendre comme esclaves, ils crucifient les autres, parfois de manière un peu, je dirais, didactique, c'est-à-dire pour dire aux légionnaires, voyez ce qui vous attend, nous des esclaves, on crucifie des Romains. Et puis pire que tout, après une de ces victoires, il va faire combattre les survivants de l'armée romaine comme gladiateurs. Et alors là, c'est une double humiliation, première humiliation, parce qu'il fait ce combat-là à titre funéraire. Pour honorer les esclaves morts au combat. Un truc inimaginable. Pour les esclaves, c'est génial, parce qu'ils vont avoir une sépulture, et en plus, ils vont être honorés. c'est inespéré, c'est encore plus inespéré que la liberté, quelque part, avoir une sépulture. On ne sait pas à quel point c'est important pour les hommes de l'Antiquité. Et humiliation pour les Romains qui vont s'entretuer entre eux pour le plaisir et l'honneur des esclaves. Alors ça c'est génial. Ça, c'est de la guerre psychologique. C'est un renversement absolu. Et c'est de la guerre psychologique. Parce qu'après, les jeunes légionnaires, parce qu'on n'a pas le temps de les former, on leur dit, alors, les mecs, en face de vous, vous avez des gladiateurs. Ah bon? Et des gladiateurs, si vous êtes prisonniers, ils vont vous aiguiller, soit en vous crucifiant, soit en vous faisant combattre comme gladiateurs. Les mecs, ils ont déjà perdu. Là. C'est un peu comme à une époque, les soldats russes ou autrichiens, quand ils savaient qu'il y avait Napoléon en face, quoi. Donc, ils avaient déjà gagné, perdu la moitié de la bataille. Et c'est comme ça qu'ils remportent des victoires. Et puis, il faut attendre qu'il y ait un Romain un peu, qui a les moyens, on va dire, à la fois financiers, un peu techniques, militaires, de le vaincre, et ça sera Crassus. Crassus qui va le poursuivre jusqu'au bout de la botte italienne. Il va tenter de passer en Sicile, la terre finalement de vieille révolte servile. Il va négocier avec des pirates. Les pirates vont le rouler dans la farine. Il va réussir, malgré tout, à percer la ligne Maginot que Crassus a créée pour le coincer. Crassus va le poursuivre et il va finir par écraser l'armée des gladiateurs. L'armée, quand je dis des gladiateurs, plutôt l'armée conduite par des gladiateurs. Les gladiateurs constituent l'ossature, constituent les cadres de cette armée. Le reste, c'est des esclaves. C'est aussi des hommes libres qui l'ont rejoint. Parce que c'était les victimes de cette guerre civile, les perdants de cette guerre civile encore récente, et qui ont rejoint Spartacus parce que bah derrière il y avait une haine justement de ce pouvoir romain sénatorial, extrêmement finalement orgueilleux et surtout égoïste, et qui fait que ça a suscité quand même beaucoup de haine et beaucoup finalement de révolte contre ce système-là, même s'il finit par l'emporter à la fin. Un petit mot peut-être pour donner, même si les chiffres ne peuvent évidemment être tout à fait précis de la quantité de cette armée, et puis peut-être aussi dire un mot, pour autant que l'on en sache quelque chose, du projet, parce que fuir, c'est évidemment une réaction qui apparaît logique, mais y a-t-il, et en sait-on quelque chose, l'idée de s'extraire de l'Empire pour s'établir dans une colonie que l'on cherche en vain, parce que l'Empire étant extrêmement vaste, il faut aller probablement très loin. Est-ce que ça, on arrive à le repérer dans une quelconque source, Éric Tessier? Alors, combien sont-ils? Les sources nous donnent des estimations. On pourrait dire que ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Alors, les chiffres qu'on a, bah déjà, un chiffre précis, ils sont grosso modo 75 quand ils démarrent. C'est probablement une armée qui va dépasser les 100 000 hommes, 100 000 combattants. Parce que c'est ça qui est important, c'est que Spartacus va faire beaucoup d'efforts pour armer ses hommes. Alors il prend les dépouilles des légionnaires qu'il va vaincre. Il fabrique des armes, il achète des matériaux pour fabriquer des armes et il entraîne ses troupes. Et c'est là où on voit que c'est sûrement quelqu'un qui est passé par l'école romaine. Quelqu'un qui sait que ça sert à rien d'avoir des masses de gars qui courent dans tous les sens. Il faut faire des phalanges, il faut faire des légions, des cohortes pour affronter les légions. Et ça marche. Donc, on va dire une armée de 100 000. Le problème, c'est que c'est une armée qui sera jamais unie. Il y aura toujours le camp des Gaulois avec qui les Germains roulent et le camp des Thraces. Et on va dire derrière les Thraces, on va dire plus grosso modo les Orientaux. Ceux qui vont parler le celtique et le germanique, et ceux qui vont parler plus ou moins des langages autour de la langue grecque. Donc il y a un problème culturel. Et ça, à chaque fois, ça fait des scissions, trois fois. Ça pose la question de savoir aussi après où ils vont. Ben, je pense qu'en fait, ils ne le savent pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'espérance. Faut pas se leurrer. En cela, le film de Kubrick est très influencé par Moïse. C'est une hypothétique terre promise. Mais avant, il y a eu des romans historiques très politiques dans les années 20, 30, qui étaient par des auteurs qui s'inspiraient beaucoup des kolkhozes, qui s'inspiraient des kibbutz, qui avaient cette idée d'une contre-société un peu idéale, égalitariste. C'est un fantasme. La réalité, c'est des gens qui ont tout perdu, qui sont parfois même nés esclaves. Ils vont retourner chez eux, la belle affaire. Chez eux, il y a d'autres gens qui habitent la maison. S'ils ont laissé leur femme, elle est avec un autre homme. On va pas les accueillir avec des colliers de fleurs. Donc, notamment pour les Gaulois, l'objectif, c'est de vivre sur le pays, de piller, d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Pour Spartacus, il y a une tentative d'aller jusqu'au nord de l'Italie. Apparemment, je pense qu'il est bloqué par une crue du Pô par rapport à l'époque où il arrive. Les sources sont pas claires là-dessus. Et il fait un demi-tour et revient encore dans le sud. Où est-ce qu'il voulait aller? De l'autre côté des Alpes? Retourner en Thrace par la voie des Balkans? peut-être. Rien ne le dit et ça paraît quand même un peu difficile. Alors, ce qu'il a vraiment tenté de faire, c'est de passer en Sicile, c'est d'acheter le passage aux pirates, en disant, voilà, j'ai un trésor. Il a accumulé beaucoup d'or et d'argent. Je vous donne de l'or, ce qui vous intéresse, et vous transportez tout mon monde en Sicile. C'est une île. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'esclaves là-bas. On peut espérer se dire, on tiendra la Sicile, et puis voilà, on fera attention justement que les Romains n'y remettent pas les pieds. C'est peut-être le projet qu'il a eu. Projet avorté, parce que les pirates ont pris l'or, mais n'ont pas pris les esclaves, ils sont partis. Donc voilà, on a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. C'est un aristocrate, il combat à cheval. Il déteste Rome, et c'est aussi le paradoxe de cette époque-là. Il déteste Rome, mais chaque fois qu'il y a des faisceaux de licteurs, qu'il y a des étendards, qu'il y a des aigles romaines à prendre sur les légions, il s'en empare et il les met devant ses troupes. Il s'approprie les symboles de Rome, qui sont des symboles de force, parce qu'il y a un caractère très fascinant dans la Rome de cette époque-là. On s'imagine pas l'armée soviétique en 44 prendre des emblèmes nazis et les mettre devant. Non, non. Il y a ce côté-là. Il faut bien comprendre ça de l'Antiquité. Forcément, on compare avec nos époques. Je parlais de l'esclavage au 19e siècle, je parlais d'images qu'on projette sur la gladiature. C'est des sociétés complexes, des sociétés où le fait religieux est très important, où la tradition est importante, où les cultures existent et coexistent et s'entremêlent. Donc c'est très difficile de dire, bah oui, ils voulaient rentrer chez eux. Non, franchement, ça je n'y crois pas. Qu'ils ont essayé de créer un chez eux, peut-être, mais ils devaient savoir que c'était très difficile. En tout cas, ils ont échoué. Après plus de 2 ans de combat, ils finissent par être vaincus par Crassus, et tout ça finira, comme on le sait, sur le long de la voie appienne, avec des milliers de croix, sur lequel Spartacus n'a pas été cloué, parce que, on le sait, Spartacus est mort au combat, dans cette dernière bataille, il est mort avec beaucoup d'honneur, il a tenté un coup extraordinaire. Le symbole, le côté religieux aussi, la première chose qu'il fait quand il est face à Crassus, avec son armée en ordre de bataille, il tue son cheval. Tuer un cheval de guerre, ça a du sens. C'est un sacrifice, il le fait aux dieux, c'est une offrande. Mais en même temps, ça a un sens politique, ça veut dire à ces hommes, je resterai avec vous jusqu'au bout. Je refuse d'avoir une porte de sortie. Et il dit très nettement, c'est ce que disent les historiens, si je suis vainqueur, je prendrai le cheval de Crassus, si je suis vaincu, j'aurai plus besoin de cheval. Et puis derrière, il y a le tacticien. Ça dit, si je suis à cheval, tout le monde va me repérer. Donc toutes les flèches sont pour moi. Si je suis à pied avec mon commando de gladiateurs, je vais foncer et je vise Crassus, qui lui est à cheval. Et je vais essayer de percer et je vais tuer Crassus. Et si je tue Crassus, il y a des batailles qui sont perdues juste parce que le chef est mort. Il n'y a que le chef qui est mort, tous les autres sont partis. Et ça, il le sait. Il joue la dernière carte. Et c'est pour ça qu'on sait comment il est mort. Les auteurs l'ont su, ils ont dû lire des comptes rendus de l'armée romaine. On sait qu'il a tué lui-même 2 centurions, qu'il a été percé de différentes traits, de flèches, coups de glaive, et qu'il est mort comme ça en combattant. Et pour avoir tué 2 centurions, c'est pas des danseuses, les centurions de l'époque. Donc ça voulait dire quelque chose. Il a dû passer 1 ou 2 lignes, quoi. Mais bon, vu le poids, le nombre, la supériorité numérique de l'armée de Crassus, il a été tué, et l'armée des esclaves donc n'a pas survécu à Spartacus. On peut imaginer, Eric Tessier, que plus d'une fois vous avez dû vous dire, et si un historien avait accompagné tout ce groupe pour noter, croquer, qu'aurions-nous à faire? Mais ça vous aurait sans doute empêché à vous de faire paraître votre bouquin. Alors vous allez d'ailleurs nous en rappeler et le titre et l'éditeur. Alors le titre donc, c'est Spartacus entre le mythe et l'histoire, donc essayer de faire la balance entre les deux. Alors l'éditeur, dans une première édition, donc c'était chez les éditions Perrin, qui maintenant a été réédité toujours chez Perrin, mais dans la collection Tempus, c'est la collection des livres de poche des éditions Perrin, donc il est accessible encore sous ce format là actuellement. Merci d'être venu en parler au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Notre semaine s'achève avec ce dernier entretien. Était avec nous cette semaine Claude-Michel Cluny, critique littéraire et critique de cinéma, Jean Gilly, critique cinématographique et historien du cinéma, Gérard Legrand, essayiste et critique de cinéma, Éric Dars, historien et géographe, Éric Tessier, historien et archéologue. Histoire.